J'attends, j'attends, perché comme le funambule. Autour de moi le vide, personne ne m'entend, que le néant avide des faibles cœurs battants. J'attends, j'attends, figé comme une âme impavide. J'attends, j'attends, le cœur battant. J'attends, j'attends. Sur mon île déserte, il y fait toujours doux. L'herbe est toujours verte, les fruits sont aigres doux. J'entends, j'entends ta voix qui souvent me rappelle. Tout seul dans ma maison, la pendule me chante, me rythme les saisons, mélodie attachante. J'attends, j'attends, rêveur jusqu'à la déraison. J'attends. J'attends le cœur battant. J'attends, j'attends mon amour envoûtant. Oxygène dans l'espace, pas de conciliabule, juste ma carapace. J'attends, j'attends, perché.